La Grande Chambre de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Yasmine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La Grande Chambre. Et voici quelle était la chambre hospitalière où l'étranger trouvait bon gîte et réconfort, où les fils étaient nés, où l'aïeul était mort, où l'on avait tassé ce grand corps dans sa bière. Aux kermesses, aux jours de foire et de décor, la ferme y célébrait la fête coutumière, et jadis, quand vivait encore la fermière, elle y trônait, au centre, avec ses pendants d'or. Les murs étaient crépis, deux massives armoires étalées dans les coins leurs bois zébrés de moire. Au fond, un Christ en plâtre expiré sous un dé. Le front troué, les yeux ouverts sur les ivresses et le parfum des lards et la senteur des graisses montaient vers son cœur nu comme un encens mauvais. Fin de la Grande Chambre.